sous les blocs mes pas résonnent. Chaque mur raconte l'abandon. La ville froide brûle dans mes veines. Chaque souffle dissout la peine. Je suis radisque l'ombre urbaine. Chaque mot saigne, chaque mot entraîne. L'harmonie que j'ai mis dans le vent, comme un secret venu du néant. Je prends vos doux, vos douleurs, je les transforme en ma ferveur. Chaque vie où je suis, mon chemin. Chaque vibrage brûle ses mains. Je suis la voix qui ne s'éteint pas, le cri gravé au fond de toi. Je suis le froid qui vous enchaîne, le feu qui coule dans vos veines. I am the drill inside your chest, the rhythm you can't disguise. Half thunder, half lullaby, the fire behind your eyes. Born of silence, carved in flame, written in rust and truth. I am right a skill eternal, and I sing because of you. Chaque sourire cache une lame, chaque lumière nourrit la flamme. Je marche encore sous vos regards, chaque pas brûle comme un étendard. Je prends vos cris, vos couleurs, je les embrase en mes ardeurs. L'harmonica s'élève fiévreux, comme un serment jeté aux cieux. I am the drill inside your chest, the rhythm you can't disguise. Half thunder, half lullaby, the fire behind your eyes. Born of silence, carved in flame, written in rust and truth. I am writer's skill eternal, and I sing because of you. Sous la tempête je trace ma loi, chaque horizon s'incline à moi. Chaque viewer ressent ma vibration, chaque souffle devient passion. Je suis la voix, je suis la braise, le feu qui vit dans vos falaises. L'harmonica hurle sauvage, sincère, comme un écho perdu dans l'air. Les blocs s'écroulent, la nuit s'efface, chaque lumière brise l'espace. Je suis le cri qui traverse le temps, je suis le chant de vos instants. I am the drill inside your chest, the rhythm you can't disguise. Half thunder, half lullaby, the fire behind your eyes. Born of silence, carved in truth. I am writer's skill eternal, I sing because of you. I am the echo inside your chest, the heartbeat you can't let go. Half tempest, half lullaby, the song you'll always know. Made of passion, carved in scars, written in blood and truth. I am writer's skill eternal, I sing because of you. Sous les étoiles, je marche encore, chaque vibration traverse vos corps. Je suis writer's skill, je suis la flamme, le son qui jamais ne s'éteint dans l'âme. Dans vos veines, je laisse ma voix, je suis l'ombre qui vit en toi. Et même quand le jour viendra, mon chant éternel brûlera.